بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السؤال 96 96 سؤال الشيخ رحمه الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فما حكم مدح الدهر وما تفسير قول الله تعالى فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات؟ Donc l'auteur est interrogé à propos de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام où il dit que Allah dit le fils d'Adam m'offense. Il insulte le temps. Donc qu'en est-il de faire l'éloge du temps? Et quelle est l'interprétation de la parole d'Allah dans le sens où il dit « Nous avons envoyé sur eux un vent glacial en des jours néfastes. » Le détaillé verset 16. فَعَجَابَ رَحْمَنَ رَوْ تَعَلَى قَلُوا اللَّهُ تَعَلَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِ يُؤْذِينِ ابْنَ آدَمْ يَسُبُّ الدَّهْرِ يَعْنِي يَسُبُّ الزَّمَنِ الْوَقْتَ اللَّيْلِ وَالنَّهَرِ. Donc il a répondu l'auteur que dans le hadith Qudsi, lorsque Allah a dit le fils d'Adam m'offense, il insulte le temps, c'est-à-dire il insulte le temps, c'est-à-dire l'horaire, la nuit et le jour. Et cela est valable également pour le climat, d'accord? Cela est valable également pour le climat, comme le fait d'insulter le vent ou la pluie. Cela revient même car le vent provient d'Allah Azza wa Jal et la pluie غير ذلك. وصب الليل والنهار صب لله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى والمدبر لهما أو المدبر لما يكون في الليل والنهار. ولهذا قال الله تعالى في الحديث نفسه أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. Donc le fait d'insulter la nuit ou le jour, cela revient à insulter Allah عز وجل car c'est lui qui contrôle le temps, la nuit et le jour. Et dans le même hadith justement il dit je suis le temps car dans ma main est le décret, je contrôle la nuit et le jour. أما مدح الدهر باعتبار أن الإنسان يثني على ربه بذلك لا على الأيام والليالي فلا بأس به فهذا أمر طيب. يقول هذه الأيام مثلا أيام سرور وأيام أمن وأيام رخاء ولله الحمد فهي أيام مباركة ومباركة Quant au fait justement de faire l'éloge du temps, du fait que cela revient, que la personne fasse l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non le fait qu'il fasse l'éloge des jours en eux-mêmes et des nuits. Par exemple, il dit, ce sont des jours de joie, ce sont des jours de sécurité, ce sont des jours d'aisance, l'ange à Allah, ce sont des jours mubaraka. Donc aucun mal à cela. أما أن يثني على الدهر ناسيا خالقه عز وجل وهو الله فهذا لا يجوز لأن الثناء على السبب مع التغافل عن المسبب في الحقيقة غض وانتقاص للمسبب وهو الله سبحانه وتعالى. Quant au fait de faire l'éloge justement du temps en oubliant son créateur et qui est Allah, cela n'est pas permis. Car faire l'éloge de la cause tout en omettant celui qui a fait cette cause, alors cela revient justement à ne pas lui rendre son droit. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela rentre dans le shirk. L'auteur ne le dit pas, mais cela rentre dans le shirk. Car tu rends la cause en elle-même comme s'étant instaurée elle-même. أما قول الله تعالى فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. Et quant au verset cité dans la question, de fait que Allah dit que nous avons envoyé, dans le sens où il dit nous avons envoyé sur eux un vent glacial en des jours néfastes. Fussilat, détaillé verset 16. فَالَّذِي ذَمَّ هَذِي الْأَيَامُ وَاللَّهُ عَزَ وَجَلْ وَلَوْ يُثْنِيَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَنْ يُعِيبُ مَنْ شَاءَ بِخَلْقِهِ. Donc celui qui a justement fait des critiques à propos de ces jours-là, c'est Allah lui-même. Donc Allah, il critique ce qu'il veut et il loge de ce qu'il veut car c'est lui le créateur. لكن قل لي ما الجواب عن كل الله تعالى عن لوط وقال هذا يوم عصيب. Donc il dit maintenant dis-moi quelle est la réponse par rapport à la parole de Lot dans le sens où Allah a dit et c'est un jour difficile. Sourate Hud verset 77 dont on a parlé dans la question précédente. فالجواب عنه أن يقال إن لوط عليه الصلاة والسلام لم يرد به القدح في هذا اليوم وإنما أراد الخبر عن هذا اليوم بأنه عصيب ويفرق في الأشياء بين القصد وعدم القصد. Donc la réponse c'est qu'en fait l'autre lui n'a pas voulu critiquer le jour en lui-même mais informer qu'en ce jour on va se passer une chose qui est difficile, qui est la venue des anges pour châtier son peuple. Donc, il faut différencier entre les choses. Entre ce qui est voulu volontairement et ce qui ne l'est pas. أرأيت لو جاء شخص يسألك بل لو جاء شخص يسأل مريضا فجعل المريض يخبره هذا الرجل مجرد خبر فقط. Donc maintenant, si tu vois une personne qui est malade et à qui on rend visite, il se met justement informé de sa situation. Par exemple, le malade informe qu'il a telle et telle chose, tel et tel symptôme, j'ai de la fièvre, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux articulations par exemple. وجاء رجل يسأل مريضا آخر فجعل المريض يخبره ويشتكي إليه فالأول عمله جائز والثاني عمله مذموم إذ كيف يشتكي أو يتشكى الخالق إلى المخلوق وقد قيل إذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. Et maintenant une autre personne irait rendre visite à un autre malade et que ce malade se mettrait à se plaindre auprès de lui. Maintenant ce sont des plaintes. Alors cela n'est pas permis contrairement au premier. Le premier, lui, il informe. D'accord ? Et le deuxième se plaint. C'est-à-dire, ce sont des plaintes. Ah, j'ai mal, oh, j'ai ceci, oh, j'ai cela. Donc cela revient à quoi ? À se plaindre auprès de la créature de ce que le créateur lui a fait subir, en fait. D'accord ? Et après, il cite un vers de poésie dans le fait où il dit « Celui qui se plaint auprès du fils d'Adam ne fait que se plaindre du créateur auprès de celui qui ne fait pas miséricorde, en fait. » C'est-à-dire, tu te plains de ce que Allah t'a décrété auprès de quelqu'un qui ne te fera pas miséricorde. Qui est-il? Fils d'Adam. Il ne pourra rien faire pour toi. Hada wa ma'ana qawli. Tayyib. Summa fi su'al at-tasi'a wa at-sabi'a wa at-tis'in. 97e question. Su'ila al-shaykhu rahmahu ta'ala. كيف نجمع بين قول الله قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر الحديث وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الحديث فهل هذا يعتبر من سب الدهر؟ Donc il a été interrogé comment joindre entre les deux hadiths. Le premier qui est le hadith Qudsi où Allah عز وجل il dit que le fils d'Adam m'offense, il insulte le temps. Et l'autre hadith où le Nabi عليه الصلاة والسلام dit que ce bas monde est maudit, tout ce qui s'y trouve, hormis un savant et un étudiant et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cela revient à insulter le temps, de dire que ce bas monde est maudit? فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها لا أدري عن صحته والذي أظن أنه ضعيف ولكن على تقدير صحته ليس هذا من باب السب وإنما هو من باب الخبر. وأنه لا خير فيها إلا عالم ومتعلم أو ذكر الله وما ولاه أو ما نعم وما ولاه. Donc il a dit, il a répondu ce hadith que ce bas monde est maudit et tout ce qui s'y trouve. Il a dit, je ne connais pas son degré d'authenticité, mais je pense qu'il doit être faible. Et supposant qu'il soit authentique, cela n'est pas une insulte, mais cela est une information. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam informe cette dunya, car cette information de qui il a, il a d'Allah azza wa jal. Donc il informe de la réalité de ce bas monde. أما سب الدار فهو عيبه ولومه وتسخط بما وقع فيه وإضافة هذا الشيء إلى الدهر مع أن الأمر كله بيد الله عز وجل كما جاء في الحديث نفسه وأن الدار بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. Donc il a dit qu'au fait d'insulter le temps, cela revient à le critiquer, à lui faire des reproches et à s'irriter de ce qui s'y déroule. Et attribuer cela justement au temps, cela revient à l'attribuer à Allah, car c'est Allah qui contrôle le temps, comme dans le hadith où il dit, c'est moi le temps, dans mes deux mains se trouve le décret, je contrôle la nuit et le jour. Naam, hadha alladhi akhadhna al-yawm bi hadhain suwalayn, falhamdulillahi rabbil alamin.